et « jette ton bâton ». Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moïse, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité ».